croient qu'ils s'aiment, ceux qui font semblant d'aimer. Oui, tous ceux qui croient qu'ils s'aiment ne pourront jamais pleurer. Avoir le droit d'être.